Au sport. Le 14 février, au hockey mineur, dans la Ligue Simple Lettre Offer de Saint-François, l'équipe Atome A des Sharks du Haut-Saint-François rencontre Thibault GM Sherbrooke au Palais des Sports de Sherbrooke à 16h. L'équipe Atome B est au Centre sportif Thibault GM Chevrolet pour affronter Club Piscine Sherbrooke à 12h30.